Une cantatrice célèbre, la Malibran, par Funk Brentano. Destinée qui tient du prodige, depuis ses débuts en Italie, à l'âge de 5 ans, nous disons bien 5 ans, dans la niaise du compositeur père, jusqu'à sa mort à Manchester, à l'âge de 28 ans, en pleine gloire, en pleine beauté, en pleine jeunesse, des suites d'une chute de cheval. Dans la pensée de tous ceux qui l'ont connue, elle laissa un souvenir ineffaçable, et ce souvenir est passé à la postérité grâce aux stances célèbres que Musset lui a consacrées peu de jours après sa mort. « Qu'as-tu fait pour mourir, ô noble créature, belle image de Dieu, qui donnait en chemin aux riches un peu de joie, aux malheureux du pain ? Ah, qui donc frappe ainsi dans la mère nature, et quel faucheur aveugle, affamé de pâture, sur les meilleurs de nous, ose lever la main ?» Maria Felicia Garcia, qui dans la suite épousera le banquier Malibran, naquit à Paris le 24 mars 1808, 3 rue de Condé, dans une maison qui subsiste encore et où se trouve aujourd'hui installée une papeterie-imprimerie. Son père était un célèbre chanteur espagnol, qui se trouvait alors engagé au théâtre italien. Dès sa première enfance, comme le divin Mozart, elle sentait frémir en elle le dieu de la musique. Ses débuts à l'opéra de Florence, à l'âge de 5 ans, en sont un témoignage. Elle jouait dans l'opéra de Père, la Niaise, le rôle d'une petite figurante et devait venir remettre à son père, tandis que celui-ci chantait un duo avec la prima donna, une lettre importante dans l'intrigue de la pièce. Elle s'avance, tend son papier. À ce moment, la cantatrice se trouve subitement indisposée. Et voilà que la gamine, à la stupéfaction générale, reprend l'air abandonné, en duo avec son père, amusée de l'aventure, et cela aux acclamations de la salle tout entière. Et de ce jour, à Florence, chaque fois qu'on donnait à Niaise, les spectateurs insistaient pour que la petite demoiselle prît le rôle de la cantatrice dans le duo en question. Et tout allait au mieux, quand un soir, l'enfant ayant chanté la partie féminine dans le duo comme de coutume, se sentant enrouée et mal satisfaite d'elle-même, s'écria, en pleine scène, le duo terminé, « Ho cantato come un cane, ma voglio cantar più. » »« J'ai chanté comme un chien, je ne veux plus chanter. » Et tandis que la salle éclatait de rire, elle s'enfuit de toute la vitesse de ses petites jambes. Son premier maître et son principal maître fut son père lui-même. Manuel Garcia se trouvait le père de deux artistes qui ont été deux des plus grandes cantatrices du XIXe siècle, Madame Malibran et Madame Viardot. Ses leçons de chant étaient féroces, tumultueuses, entrecoupées de vociférations et de jurons, quand ce n'était pas des taloches et des coups. Les passants, rue de Condé, en étaient parfois émus, mais les familiers les rassuraient. « Ce n'est rien, c'est M. Garcia qui donne une leçon de chant à ces demoiselles. » La Malibran dira dans la suite que le don qu'elle avait de chanter au milieu des larmes, de vraies larmes qui coulaient de ses yeux quand elle jouait certains rôles, comme celui de Desdemone dans Othello, lui venait de ses leçons paternelles, où son chant était souvent mouillé de pleurs. Avec ses grands yeux noirs, ses cheveux noirs coiffés en bandeaux, son teint pâle, la jeune artiste était petite, mince et fluette, mais une flamme intérieure l'animait. Elle témoigna toute sa vie d'une extraordinaire résistance à la fatigue, activité prodigieuse accrue par une inimaginable facilité. Dès sa prime jeunesse, on la voit s'occuper chez elle des soins du ménage, tout en apprenant simultanément plusieurs langues, le français, l'espagnol, l'italien et l'anglais, puis la musique, le chant, l'harmonie, le piano, la harpe et le dessin, sans oublier les exercices physiques, l'équitation et dans chacune de ses branches. Elle qui mourra à 28 ans, elle aura acquis un degré plus ou moins grand de perfection, mais toujours des plus estimables. Les vrais débuts de la Malibran au théâtre datent du 7 juin 1825 à Londres. Madame Pasta, qui devait jouer le rôle de Rosine dans Le Barbier de Séville de Rossini, se trouvait indisposée. La jeune cantatrice, âgée de 17 ans, fut appelée à la remplacer au pied levé. Son succès fut tel qu'elle fut immédiatement engagée pour le reste de la saison, 6 semaines, aux appointements de 12 500 francs, qui feraient plus de 50 000 francs de valeur actuelle. Et depuis, ce ne furent que triomphe sur triomphe dans Othello, Roméo et Juliette, Don Juan, Fidelio et tous les chefs-d'œuvre du théâtre lyrique depuis Beethoven et Mozart. Elle reconnut de la sorte, dans son ardent amour pour son art, une vie enchanteresse, n'eût été tout d'abord la tyrannie brutale, les brusqueries de son père, et puis son malheureux mariage avec Malibran, où elle s'était jetée pour échapper au rude despotisme paternel, tombant, la malheureuse, de Charybde dans Scylla. De la terreur que son père lui inspirait, le trait suivant donnera une idée. Emmanuel Garcia s'opposa tout d'abord aux projets matrimoniaux de sa fille avec ce Malibran, banquier français établi à New York. C'était, entre le père et l'enfant, des scènes perpétuelles, car la petite tenait bon, en sa petite tête de castillane aussi têtue que celle du papa. On jouait le soir au Tello, Garcia tenant le rôle du terrible mort de Venise, et sa fille celui de la pauvre petite Desdémone. Au moment où le terrible jaloux shakespearien s'approche, les yeux en flamme, de sa jeune femme pour la tuer, Maria Felicia s'aperçoit que son père tenait en main, écumant de colère, un poignard véritable. La jeune fille s'écrie, épouvantée, « Por Dios, no me mate !»« Pour Dieu, ne me tuez pas !» Il se trouvait que le poignard de théâtre, en carton recouvert de papier d'argent, s'était égaré, et que Garcia l'avait au dernier moment remplacé par un poignard véritable. Quant au public, il crut que l'exclamation de la petite Desdémone faisait partie de son rôle, et comme l'angoisse était peinte sur le visage de Maria Felicia de la manière la plus expressive, il estima que dans ce moment, elle avait particulièrement bien joué. Hélas, le père Garcia n'avait eu que trop de bons motifs pour s'opposer au mariage de sa fille. Ce Malibran, qui se donnait comme un riche banquier à la tête d'une grosse fortune, se trouvait en réalité ruiné. La faillite fut déclarée peu après le mariage. La dot, fort importante pour l'époque, que Garcia avait donnée à sa fille, fut engloutie dans la banqueroute sans suffire et loin de là à indemniser les créanciers. Et de ce jour, ce ne fut plus qu'une suite ininterrompue de chantage exercé de la manière la plus éhontée par le banquier déclavé sur sa malheureuse épouse. Celle-ci gagnait des sommes considérables. Les principales scènes des deux mondes se la disputaient à coups de banknotes, et c'est à peine si celle-ci suffisait à payer la vie dissipée de Malibran, qui jetait par les fenêtres et dans les orgies les plus grossières l'argent gagné par sa femme, prétendant en outre que celle-ci entretint toute sa famille. Il fallut se séparer. Le divorce n'existait pas. La Malibran s'était prise d'une passion juvénile et charmante pour le célèbre violoniste belge Charles de Berriot. Elle lui en fit un soir l'aveu, en une réception chez la princesse de Chimay. Berriot venait de se faire entendre. Les bravos, les applaudissements éclatèrent. Maria vint au jeune violoniste, lui prit les mains. « Je suis si heureuse de vos succès. »« Merci, merci, » répond Berriot sur le ton banal qu'on imagine. « Je suis bien flattée de votre suffrage. »« Mais non, ce n'est pas cela, mon Dieu !» dit la cantatrice, rougissant et la voix tremblant comme une enfant troublée. « Ne voyez-vous pas que je vous aime ?» Pour pouvoir épouser Charles de Berriot, il fallait faire annuler le mariage conclu avec Malibran. Nous avons dit que le divorce n'existait pas. Le célèbre général de Lafayette, qui jouissait alors d'une vague de gloire renaissante, s'en mêla, et le tribunal de la Seine trouva le 6 mars 1835 des dispositifs bien ingénieux. Le mariage avait été conclu à New York le 23 mars 1826 devant le consul de France entre Malibran, qui s'était fait naturaliser américain en 1818, et la demoiselle Garcia, qui était espagnole comme fille de son père. Le consul de France n'avait aucune qualité pour conclure cette union qui, conséquemment, était déclarée nulle. Le mariage avec Berriot fut heureux. Hélas, il ne devait être que de courte durée. Le 23 septembre 1836, la Malibran mourait à Manchester, dans les circonstances les plus dramatiques des suites d'une chute de cheval. La Malibran enthousiasmait les foules, plus encore par la passion, par l'émotion dont elle animait son jeu, que par la beauté de sa voix. Un des côtés émouvants de sa vie fut son inépuisable bonté, sa bienfaisance, et qui se traduisait incessamment sous les formes les plus diverses. C'est encore ce que Musset a bien indiqué en ses stances immortelles. N'était-ce pas hier, qu'enivré et béni, tu traînais à ton char un peuple transporté, et que Londres et Madrid, la France et l'Italie, apportaient à tes pieds cet or tant convoité, cet or deux fois sacré, qui payait ton génie, et qu'à tes pieds souvent laissa ta charité. Elle aimait à se joindre, déguisée en femme du peuple, aux sœurs de charité qu'elle rencontrait dans la rue, demandant à les accompagner dans leur visite aux pauvres. En alléguant qu'elle était chargée par une personne riche de distribuer des secours, lesquels étaient abondants et sortaient naturellement de sa bourse. Effrayé de la manière dont l'argent gagné s'écoulait par les canaux les plus divers, des amis avaient obtenu d'elle qu'elle verserait chaque mois une somme déterminée entre les mains d'un banquier de confiance, qui constituerait un capital en réserve pour l'avenir. J.N. Bouilly, qui était de ses amis, la trouve certains jours en conversation avec le banquier. « Eh bien, thésaurisons-nous ainsi qu'on l'a promis. Répondit le banquier. « Depuis plus d'un mois, on ne m'a rien versé. »« C'est que, dit la jeune cantatrice, depuis un mois, il a fait si froid. » Il fallut une enquête pour obtenir l'explication de cette réponse exquise. On était en hiver et depuis un mois. La Malibran avait donné près de 10 000 francs aux pauvres gens. Ainsi s'achève une cantatrice célèbre, La Malibran, par Funk Brentano.